de l'Odyssée divine sur la terre. Peut-on comprendre le mystère ineffable de la passion du Christ? Peut-on saisir l'essence de l'amour divin pour les hommes? Que dire de Jésus crucifié? Oh, que dire de l'Odyssée divine sur la terre? Peut-on comprendre le mystère ineffable de la passion de Christ? Oh, oh, peut-on saisir l'essence de l'amour divin pour les hommes? C'est un mystère, c'est un mystère, c'est un mystère. Comble pour son nous, amour est à son comble pour nous. Jésus, avec toi l'amour n'est plus sans un mot. Oh, oh, oh. C'est ta passion d'aimer qui nous révèle la cruauté de nos cœurs rebelles. Je ne l'oublie jamais. Je n'oublie pas. C'est un mystère. C'est là. C'est le mystère.